écouter Assemblage Requis jusqu'à 17h. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Hooded Fang, la pièce Land of Giants. C'est vraiment bon. D'entendre. C'est bon, hein? J'adore ça. Sérieusement, c'est super bon. Ouais. Eh oui. Eh oui. Parlant de ça, mais sans rien dire, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui vient de jouer, mais parlons de slam poésie un peu. Oui, c'est ça. C'est une suggestion sortie, en fait, qu'on peut vous faire pour ce soir. C'est la grande finale du slam poésie, qui est un concours de slam. En fait, une soirée de slam, là, c'est le principe de base là, du slam. C'est des soirées open mic là, qu'il y a eu une fois par mois depuis les derniers mois. Ça fait un petit bout déjà, là, depuis le printemps, peut-être l'hiver passé, je crois. En tout cas, peu importe, ce soir, c'est la grande finale de tous les participants qui sont allés comme ça, de façon aléatoire, dans les soirées open mic. Donc ce soir la finale mauricienne et puis après ça ben, la personne qui va gagner ce soir ou je pense que peut-être plus qu'un gagnant vont aller représenter la Mauricie